Le podcast auto est une présentation de l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto, émission du 18 août 2015, Luc Desormeaux au micro, et ce soir, deux de mes comparses, Martin Sagala. Salut Martin. Salut Luc. Ça va? Ben oui, puis toi? Bien sûr. Et Jean-François Beaulieu, salut Jeff. Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Un petit chaud hein, cette semaine à date, c'est l'été. Si on avait pas chaud, l'été. Ça fait bizarre d'une main quand même. Ouais, parce qu'on n'avait pas... Peut-être. Mais on n'avait pas vraiment eu d'été à date. T'sais. Ça fait une couple d'années qu'on n'a pas de grosses canicules. Des canicules sporadiques. T'sais. C'est ça. Il fait pas chaud pendant trois semaines, ouais. Là, il fait chaud là. C'est ça. Mais là, cette semaine, ça va être une bonne. Donc, restez bien au frais, mais pas trop quand même. M'arrangez-vous pas pour avoir un changement de température extrême. C'est pas tellement bon pour le corps. Là. Mais ici, il fait chaud un petit peu. Même, je suis dans mon sous-sol pour enregistrer le podcast dans mon petit studio que je me suis monté. Puis, il fait plus chaud dans le sous-sol, dans mon studio, qui fait en haut. Mais oui, en haut, on a l'air climatisé. En bas, on l'a pas. Mais normalement, c'est le contraire. Il fait beaucoup plus chaud en bas qu'en haut qu'il fait en bas. Mais bon, on va survivre. Je peux quand même pas me plaindre. C'est quand même pas un sauna ici. Donc, messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir ou bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, petite émission. On va parler surtout de nouvelles et de choses comme ça. J'ai pas vraiment d'essai à vous parler cette semaine parce que cette semaine, finalement, je suis au volant d'une Mustang 2015. Oui, oui. Mustang GT, pas n'importe quel, même si, bon, c'est quand même super intéressant. Il y a quand même trois moteurs maintenant pour la Mustang, un V6, un 4 cylindres EcoBoost, puis un V8, le V8 de 5 litres, le classique 5 litres de la Mustang. J'ai entendu beaucoup de gens qui disent beaucoup de bien du 4 cylindres turbo compressé. Bon, quand Ford a annoncé qu'elle allait mettre un 4 cylindres dans Mustang, tout le monde s'est dit « Oh, sacrilège, qu'est-ce que c'est ça? » Ils n'ont pas appris de la Mustang SVO là, quelques années. Tu sais. Je veux pas t'interrompre, mais j'ai vu, ça va faire bizarre parce que dans le marché ici, c'est sûr, la 4 cylindres est super intéressante, est performante puis est amusante. Là. Ouais. Sans rien y enlever. Maintenant qu'elle est disponible en France puis dans les pays européens qui ne l'avaient pas puis qui en rêvaient depuis des années, eux, si c'est pas la V8 qui gronde, là, la 4 cylindres, là, ils veulent rien savoir. Écoute, ils l'ont démoli dans toutes les critiques que j'ai vues. C'était absolument, ça prenait une GT V8. Il était pire que les gros Américains redneck que j'ai vus essayer de planter la turbo. Ouais, c'est peut-être parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais eu avant. Puis... Ben, c'est ça. Eux autres l'ont toujours idéalisé comme un gros muscle car, là, c'est sûr. Des 4 cylindres turbo, ils en ont vu un par un autre, là. Ça les énervera pas, là. Ouais. Non, c'est clair. Mais. Mais j'aimais quand même le point de vue m'avait intéressé quand j'avais vu les critiques parce que je trouvais vraiment ça c'était vraiment un autre point de vue. Là. Ah, c'est ça, mais c'est parce qu'en Europe, quelqu'un qui s'achèterait une Mustang GT en France, ça écoute pas juste un bras et une jambe, ça écoute deux bras et deux jambes juste avec les taxes. De l'acheter 4 cylindres. Ouais. T'sais, il est aussi bien de l'acheter 4 cylindres parce qu'il est... La totale 4 cylindres. Ouais, c'est ça, mais en France, ils ont un système de bonus-malus. Là. Donc, moins ton char consomme ou dégage de CO2, quelque chose de ce genre-là, moins cher tu payes en plus, taxes sur ton auto. Piastres, mais ouais. Fait qu'imagine un 8 cylindres, là. Faut que tu veuilles en Europe, là, faut vraiment que tu sois décidé que ça soit ça que tu veuilles. Ben, il y a plusieurs Européens, mais en France surtout, là, que je... parce qu'ici, on parle français au Québec, là. Ouais. Mais l'importation d'anciens, de vieilles autos américaines, C'est très populaire quand même en France. Puis ils Oh payent oui. des fortunes pour acheter les minounes ici, là, qu'on a, des fois qu'on voit presque au travers de l'auto. Puis ils vont payer des dizaines de milliers de dollars pour les avoir. Puis il y a beaucoup, beaucoup de vieilles autos qui s'en vont d'ici, puis qui s'en vont carrément en France. Je veux même pas savoir combien ça doit coûter à rouler, là. Mais. J'aurais dû Mais je... garder ma Chevette puis leur vendre. Ah, oh, maudit. J'aurais dû Le faire ça. pire, c'est que tu aurais probablement eu des intéressés, mais je pense qu'elle était disponible là-bas sous le nom d'un Opel ou quelque chose comme ça. Fait que, Ouais, ça se peut. C'était pas une merveilleuse voiture, mais oui. Mais non, la Mustang, c'est ça, c'est rendu une voiture globale, fait qu'elle est vendue partout dans le monde. Puis les Européens l'ont eu un petit peu après nous autres, mais selon les données que j'ai eues de Ford à un moment donné, c'était positif. Les gens, il y avait des précommandes, il y avait de l'intérêt sur le site et tout ça. on en rêvait assez longtemps. Fait que ouais, c'est ça, mais oui, c'est certain. Puis là, je me demande. Qu'est-ce que les ventes vraiment ont l'air? Faudrait que je regarde à un moment donné, voir si je pouvais trouver des chiffres, là, mais c'est une voiture qui va être quand même intéressante, puis est beaucoup plus raffinée qu'elle était, là. C'est vraiment différent, là, pour les gens qui savent pas, qui écoutent pas nécessairement le podcast depuis le début. En 2008, je m'étais acheté une Mustang V6 2006. Bon, et tout le monde dit, ah, V6, c'est pas une vraie Mustang. Oui, une V6, c'est une vraie Mustang pareil. Ça me coûtait juste moins cher de gaz, puis ça grondait un peu moins, là. C'est sûr que dans ce temps-là, la V6 avec juste l'échappement simple, ça sonnait un peu comme une tondeuse glorifiée, là. Mais moi, j'avais fait changer l'échappement dessus, puis ça grondait presque autant qu'un V8, même qu'à un moment donné, je pensais que mes voisins voudraient m'exproprier, parce que je partais à 5 heures le matin pour aller au gym, puis ça grondait sur un moyen temps. Bon, quand il aime l'auto en général, ça passe assez bien. C'était quand même pas si pire. Donc, c'est ça, fait que j'ai eu ça, puis là, en 2000, bon, attends, on a eu mon fils, fait que là, en 2010, ça a pris une voiture un petit peu plus spacieuse, fait que je l'ai malheureusement, avec un petit pincement au cœur, vendu pour m'acheter un Ford Escape, mais j'ai vraiment tombé. J'étais déjà un amant de la Mustang. Je veux dire, j'ai grandi en regardant les Cobras, puis c'est toutes les Mustangs, là. Ma première Mustang que j'ai tombé en amour avec, c'est une Cobra 93, je pense, rouge. C'était quelqu'un sur ma rue qui en avait une, puis elle était vraiment super belle. Puis il y avait un autre de mes amis qui s'était acheté, lui, une LX, qui était une Cobra, mais sans tout l'habillage, là. Fait que c'était un moteur 5 litres sur une voiture qui était moins Ouais, pesante, c'est ça, c'est ça, un là. Helix, c'était pas proprement une Cobra, mais c'était le body de base avec le moteur de la GT, Avec le 5 litres. Fait que c'était vraiment le sleeper, là, tu sais, la la Mustang. classique noire avec les échappements double en arrière. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était à peu près ça. Fait que ça grondait, ça roulait, puis c'était moins pesant qu'une Cobra. Fait que, je veux dire, t'as beaucoup de gens qui préféraient la LX avec le 5 litres que la Cobra en tant que telle, mais ça a vraiment Oui. été comme mes premières amours avec la Mustang. Puis après ça, bon, mais en voyant les anciens modèles et tout ça, je me suis aperçu qu'il y avait plus beau que ces années-là. Oui, mais même la V6 que tu avais était plus performante qu'une 5 litres de ces années-là, de toute façon. C'est ça. Puis encore, aujourd'hui, le 4 cylindres est plus performant que le 8 cylindres de ce temps-là, là. Oui, Mais tu ça, sais, c'est pas vraiment difficile. c'est ça, fait que tu sais, ça a beaucoup changé. Mais tu sais, mon amour de la Mustang est un peu venu de ça, de l'avoir conduit pendant bon 2 ans, puis tout ça. Puis après ça, je me suis toujours dit, un jour, je vais avoir une Mustang. Mais j'ai toujours eu hâte à ce que la nouvelle Mustang sorte. Si vous pouviez voir mon bureau, il est décoré à grandeur de Mustang, là. Je sais que c'est pas, ça sonne pas. Tellement journaliste automobile, neutre et tout ça, là, mais Non, pas vraiment. Pour t'avoir regardé aller au lancement de la dernière génération de Mustang au Salon de l'Auto, c'était. assez fanboy. Ouais, mettons que t'avais pas l'air d'avoir un parti pris du tout. OK. Non, mais tu sais, Évanoui? non, pas évanoui. Il n'a pas passé loin. J'étais content de l'avoir. Mais Il avait l'air d'un enfant dans un magasin de jouets. OK. À peu près, avec une grosse bébelle. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai toujours été fan de ça, mon bureau est décoré de ça, mais je suis capable d'être objectif pareil. Si la voiture se conduisait comme, tu sais, une tonne de briques, puis que c'était pas maniable, je le dirais, puis j'aurais eu le droit d'être déçu. Tu sais, j'ai pas toujours aimé les Mustangs, je veux dire, je suis capable de dire que... C'est sûr que la Mustang 2, c'était quelque chose, en fait, de. La Mustang 2, c'était pas super beau à Non, regarder... Pinto glorifié, c'était super. Ouais, c'est ça. Même tu sais, regardez ça froidement, là, les 3 générations qui ont suivi ou qui étaient Les Fox, puis les et premières. Fox Body Carré, Après ça, il y a eu ce qu'il appelait Ah, le biodesign bizarre rond, là. Ouais, arrondi, là, qui est devenu Des années la New 90. Edge. Ouais, c'est Ben, la ça. New Age, ça, c'est quand c'était carré, est devenu la New Age. C'est ça. Fait que c'est jusqu'en 2004. Puis après ça, ben 2005, on a eu la génération de la SN80. Ah, je me mélange dans mes chiffres. T'avais la SN95, puis Ah, il me semble que c'est la S197. La SN95, c'était la plateforme avant. La S197, c'était celle qu'on a connue depuis 2005, là, qui était en vente jusqu'à l'année passée. Qui ont vraiment fait un bon bout de chemin avec cette auto-là, là. Ils ont parti ça, d'un les premières puis modèle. les dernières, ça se compare même pas, là. Ben non, côté design, à part de ça, puis j'ai un peu grandi avec ce modèle-là dans mon comme ma passion de la Mustang jusqu'à temps, je me rappelle en 2010, où ce qu'ils ont refait une refonte un peu, puis là, ils ont comme arrondi le derrière, tu sais, les lumières, les feux arrière sont devenus un petit peu plus ronds. Ils ont arrondi un peu le devant. 2013, Ils puis. ont changé ça 2000, ça, le premier, c'était en 2011, je pense, je me rappelle, Ouais, ça a 2010. évolué graduellement, petit peu par petit peu, rendu là, devenu de plus en plus, le derrière de plus en plus haut, puis le devant de plus en plus agressif. Ouais, c'est ça. À la fin, c'était presque un devant de Shelby, là. En 2013-2014, c'est devenu presque un Ah. devant de Shelby. Où est-ce qu'ils sont vraiment devenus, à mon avis, une des plus belles Mustangs, ben la plus belle Mustang de cette génération-là. Puis encore aujourd'hui, il y a une vraie, vraie belle Mustang, là. Quand j'en vois une 2013-2014, je me retourne encore parce que je trouve vraiment qu'ils ont le design, ils ont vraiment été sa coche dans ces années-là, là. C'était vraiment comme, tu sais, peaufiner un design à se rendre jusque-là, puis bon, ben, regarde, c'est le maximum qu'on peut faire avec ce design-là. On passe à la nouvelle version pour 2015. Ils ont fait vraiment un travail colossal. J'ai conduit la 2013, qui était une des dernières versions, bon, avant 2015. 2013, il y a eu 2014, où ce que c'était l'essieu rigide. Maintenant, c'est rendu avec une suspension indépendante aux quatre roues, puis ça paraît, là. Le confort est beaucoup mieux. En plus, ben, j'ai toujours conduit des Mustangs V6. J'ai été dans des Mustangs V8, mais j'ai jamais conduit une Mustang avec un 8 cylindres avant lundi, lundi le 17, que j'ai ramassé la 5 litres que j'ai dans les mains pour une semaine, là, puis c'est vraiment autre chose. Mais l'essieu qui était en arrière, pour s'amuser, c'est sûr qu'un essieu, c'est facile, c'est très facile de le faire déraper puis de s'en aller un peu en zigzaguant un peu partout. Ouais. Mais c'est sûr qu'une vraie suspension indépendante, côté tenue de route puis confort, là, c'est pas la même chose, là. Non, c'est si les routes sont caoteuses un peu, là. Tu le On sentais. Je... vit tous au Québec, là. Je Ouais, pense qu'il n'y a pas c'est que. ça. Non, des routes pas caoteuses, c'est vrai que ça n'existe pas vraiment. Donc, c'est ça, j'ai pu un peu comparer ce que c'est, parce que j'ai quand même vécu 2 ans avec une voiture, avec une Mustang, avec un essieu rigide. Puis c'est différent, là. Sur une route caoteuse, à un moment donné, si c'est vraiment beaucoup caoteux, le derrière vient qu'à sautiller beaucoup. C'est vraiment plus le cas aujourd'hui, là. C'est C'est comme vraiment. conduire un pick-up. Ouais, c'est ça. C'est comme conduire un pick-up. Il y a encore des voitures avec des essieux rigides. Des petites voitures, des fois, ils ont encore des essieux rigides. Ouais, Mais. des suspensions semi-indépendantes. C'est pas tout à fait. C'est un essieu rigide, mais sur une traction avant. Bon, ouais, c'est ça. C'est pas identique, là. C'est un poteau avec des roues. C'est à peu près ça. Mais bon, juste pour vous dire, je ne vous ferai pas l'essai complet aujourd'hui, là. Je l'ai juste roulé une journée et demie, à peu près, là. Mais à date, je vous dirais, je m'attendais à ce que ça soit bon, à ce que ça soit bon, parce que bon, je suis pas aveugle, je suis pas sourd, j'en entends parler, je lis des articles, tu sais, depuis déjà un an qu'est ces routes, qui a été testée par d'autres magazines et tout ça, je le sais, je le savais à quoi m'attendre, mais tu sais, il y a toujours une raison pourquoi qu'une personne en tant que telle pourrait pas aimer quelque chose ou être pas aussi impressionnée qu'il pensait l'être. C'est C'est pas le sûr qu'à cas. force de souffler une bulle, des fois. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais c'est comme aller voir un film, un donné, puis tout le monde a dit, ah, c'est super bon, ah, c'est super bon, puis là, voir les Les critiques, ah, attentes c'est le sont film de pas mal l'année. plus hautes C'est que. ça. Puis des fois, tu regardes le film, tu dis, ouais, mais c'était bon, là, mais tu sais, c'était. C'est la critique la plupart du temps, elle a été faite par quelqu'un qui n'avait pas vraiment d'attente. C'est ça. Si toi t'en as, c'est une autre histoire. C'est ça. Fait que c'était un peu ça. C'était un peu comme, tu dis, rencontrer ton héros, là, tu sais, rencontrer. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est bien On va beau. rencontrer Batman. Je m'en ai rencontré Batman, c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu comme dire, tu sais, voici, tu sais, c'est un peu gros, là, mais tu sais, voici ton char de rêve. Mais c'est mon char de rêve abordable. Une Mustang, c'est si j'avais l'argent C'est pour un m'acheter mon rêve char demain accessible, matin, toujours c'est bien. un rêve accessible. C'est plus que t'acheter, tu sais, une Porsche 911, mettons. T'sais, mais avoir l'argent pour me payer une Mustang, c'est pas mal exactement ce que j'ai dans l'entrée présentement que je me paierais. T'sais, un 5 litres, elle serait peut-être convertible, mais t'sais, 5 litres manuel, je veux dire, c'est vraiment l'enfer. La puissance de ce moteur-là, c'est 435 chevaux, 400 livres de couple, là. Regarde, Oh oui, t'sais, c'est pas t'as matière à avoir du fun, ça du poignet, là. mais t'sais, t'as 0 à plus de permis en une couple de secondes. T'sais, fait qu'il faut que tu fasses attention aussi. C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement maniable aussi. Quand je l'ai eu, c'est drôle parce que je l'ai pris de la place où on va chercher les voitures de presse. Bon, différents constructeurs ont différents endroits. Ford, c'est à une place que je connais bien avec un gars qui gère la flotte qui est hyper sympathique, qui s'appelle Steve, mais je nommerai pas la place ni le reste de son nom, mais tu le connais, Martin. Ben oui. Puis Steve, c'est un gars, okay, c'est une perle, là. Oui, super. Oui. Il est super fin, il est toujours, t'sais, toujours souriant quand tu vas, il est toujours enclin à parler, pis tout ça, fait qu'il est super le fun. J'ai rencontré aussi mon contact chez Ford aussi, avec qui je discute pour prendre les voitures. Puis je suis parti, puis quand j'ai décollé pour m'en aller vers le bureau, t'sais, je trouvais la suspension un peu floue. Je me suis dit, ah, c'est une suspension électrique, ça va faire différent, t'sais, il faudrait que je m'habitue un peu. Puis là, je regarde, ah, tiens, il y a des modes. Là, je l'ai mis en mode sport, puis là j'ai ressenti Le l'espèce moins de flou. sensation, ouais, l'espèce de sensation de direction que j'avais sur mon ancienne Mustang. Tu sais, précis, un peu raide, mais c'est ça que tu veux. C'est le genre de voiture que tu veux pas que, tu sais, ça te prend pas quatre, tu sais, un demi-tour pour commencer à changer de position. Ou tu sais, tu veux que la sensation du volant soit serrée. Puis j'ai réussi à retrouver ça. Puis là, je me sentais confortable. Un coup, j'ai changé ça. Je me suis dit, OK, là, je suis dans mon élément. Là, c'est correct. Je le reconnais. J'étais correct. Puis après ça, je me suis dit, bon, là, OK, on va essayer le reste. La technologie là-dedans, c'est le jour et la nuit, là. Je veux dire, dans les années où ce que j'ai eu ma Mustang. Ah ben là, à côté de l'année de ta Mustang, c'est une soucoupe volante. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, aller même jusqu'à l'année passée, tu pouvais avoir un GPS. Tu sais, c'était correct, mais pour le restant, le système de son, c'est une des affaires que j'entendais le plus de plaintes. C'est, ah, c'est ordinaire. C'est encore le système Shaker qui était un système d'ancienne génération, mais qui avait adapté un peu. Il y avait du sync, des choses comme ça, mais il n'y avait pas de My Ford Touch. Il n'y avait pas vraiment de grosse technologie dans Mustang. Ouais, là, l'intérieur est complètement là, Tu l'as vu au salon de l'auto, c'est on est vraiment. ailleurs là, la qualité c'est même pas la même chose là. C'est presque un intérieur de voiture de luxe. Il n'y a presque pas de plastique dur, un peu dans les hauts des portes où ce que les vitres. Mais à part de ça, c'est tout rembourré, c'est tout doux touché. L'intérieur est vraiment super bien fini. L'ancien, c'était correct, là, mais ça Ben, il y avait sentait un des. peu. C'est ça. Des fois, c'était un peu bâclé, puis c'était un peu plastique, là. Ben, c'était beaucoup plastique. Oui, c'était un Tout peu le beaucoup tableau de plastique. bord, c'était beaucoup plastique. Là, ça a l'air du cuir. C'est du plastique un peu plus mou, C'est du par exemple. plastique, mais c'est du plastique mou. C'est ça, c'est du plastique mou, mais l'autre, c'est du Il n'est pas plastique dur. luisant, il est comme semi-gloss. Puis Tu sais, c'est ça a moins l'air du pire. cuir avec des coutures, puis tout ça, c'est vraiment super bien fini. Aussi sur le tableau, où ce que t'as les prises d'air, t'as une espèce de fini en simili fibre de carbone. Toutes les petites manettes ou les petits leviers, les petits boutons pour changer certaines configurations, puis l'air climatisé, c'est toutes des espèces de. Ça a l'air des boutons de sortie d'un avion. Une petite switch que tu as dans un avion, là, tu peux changer ton contrôle de traction, le mode de la voiture, sport, confort, régulier, des affaires comme ça, tu peux le changer là-dessus, mode piste. Tu peux changer justement ton volant, comment il va répondre. C'est parce que c'est un volant, c'est électrique, c'est plus hydraulique. C'est quel mode tu vas mettre, c'est par là. Mais c'est vraiment bien fait. Ça a l'air d'un cockpit d'avion. Puis même sur le cadran de vitesse, c'est marqué ground speed, vitesse au sol. Comme si tu étais dans un avion. C'est vraiment bien fait. Tu as le petit logo qui te rappelle que tu es dans une auto qui est construite depuis 1964. C'est marqué Mustang since 1964. Fait qu'on joue la nostalgie là. Mais l'intérieur, c'est vraiment totalement différent. Tu as toutes les Oh, c'est technologies. bon. T'as le régulateur de vitesse adaptatif, détecteur d'angle mort, avertissement de T'as changement de toute la voie. panoplie. Tu sais, tout ce que tu vas retrouver dans une fusion, là, tu sais, dans une voiture de luxe, là, ou une voiture, tu sais, familiale, tu l'as dans Mustang maintenant. Dans le mien, normalement, d'une Mustang de base aussi ou dans n'importe quel produit Ford plus de base, tu as les petits, dans ton rétroviseur, tu as un petit miroir pour l'angle mort. Ben, dans la Mustang GT qui a la détection d'angle mort, ben là, c'est deux petites lumières qui disent que tu as quelque chose dans ton angle mort. Fait que c'est un système plus actif, plus électronique que juste un petit miroir qu'il faut que tu J'aime regardes autant dedans. un petit miroir. Ben, ça dépend toujours des choses. Moi, j'aime bien le petit miroir, ben, j'aime Non, bien même quand tu voir. recules ou quelque chose, je sais pas. Ouais, La vision, au moins, t'as la vision, tu le vois pour vrai. Tu te fies pas sur un capteur qui. Qui des fois peut t'avertir pour rien, dépendant de ce qu'il y a dedans, là, mais Ça, c'est ça. peut-être mon côté d'être camionneur puis de reculer des trucks un peu n'importe où sur n'importe quoi, là, Ouais, mais. peut-être. C'est pas ça du monde, toujours, j'espère. Mais. Non, mais des fois, tu sais, tu passes vraiment près de quelque chose, puis tu veux vraiment être précis dans ce que tu fais, puis il me semble un capteur, c'est pas un miroir. Non, il n'y a rien mieux qu'un miroir. C'est ça. Mais il y a aussi une caméra de recul. Fait que c'est bien. Puis même le coffre est plus grand que je me rappelais. Je l'ai ouvert aujourd'hui, là, puis c'est presque comme une fusion, là. Tellement que c'est profond, puis quand même large. L'ouverture est un peu plus basse, là, mais il y a quand même pas mal de place dans le coffre. Donc, je vais vous en reparler dans une couple de semaines, là. Je vais m'en servir un peu cette semaine. En fin de semaine, peut-être aller faire une petite Voilà, t'es promenade. encore en train de jouer avec, là. Oh oui, je découvre encore des choses. Mais j'ai même les sièges Recaro dedans. Donc, c'est les sièges de course, là, avec un très bon maintien, tout ça. C'est vraiment, t'sais, c'est la Mustang pour une nouvelle génération. C'est vraiment plein de technologies, tout ce qu'on peut vouloir. Je peux faire du Bluetooth avec mon iPad, mon téléphone, Est t'sais, puis. moins, on dirait qu'elle est moins destinée aux boomers parce que souvent ce que tu voyais des Mustangs, c'est, tu sais, t'as le classique, là, les côtés gris, là, ils ont les cheveux gris, puis ils se promènent, là, ils ont dans la cinquantaine avancée, puis ils se sont enfin achetés une Mustang. Ouais, mais c'est ouais. Elle fait moins, mon oncle, s'est acheté une Mustang que l'ancienne. Un petit peu plus jeune. J'en vois une coupe sa route, mais je vois encore du monde avec, t'sais, leur Oh, ben modèle là, de l'année c'est. passée. Ça sera pas nécessairement toute cette année que tout le monde va Non, parce qu'elle est décider beaucoup plus d'échanger. agressive de toute façon, là, c'est pas. Ouais, c'est très, très joli. Puis, t'sais, je me disais, ah, t'sais, je suis pas sûr. J'étais encore jusqu'à au début de la semaine, j'étais pas sûr encore du design, t'sais. Il me semblait qu'il y avait certains angles où elle m'accrochait pas, mais c'est tellement pas une voiture qu'on peut y donner crédit en photo. J'ai bien de la misère à trouver une photo où ce que cette auto-là elle ressort bien, mais Oui, c'est vrai. ta voix en personne, puis c'est une bête totalement différente, puis Non, elle est bien équilibrée en personne, mais en photo. Mais beaucoup, beaucoup d'autos modernes ont ce tic-là. La nouvelle Corvette aussi est comme ça, là. En photo, il y a toujours quelque chose qui raffine, mais en personne, c'est complètement d'autre chose. C'est ça. Fait que j'ai de la misère. Je la regarde. Même là, j'en ai une d'en face sur un site internet. Puis je la regarde. Puis c'est la même que j'ai dans mon entrée. Puis je me dis, il me semble que sa photo Plus est pas belle celle belle. dans ma cour. Puis je suis sorti tantôt. C'est vidange demain. Puis je suis sorti mon bac à vidange. Je suis bas du chemin. Puis la Mustang est dans l'entrée. Puis j'ai fait le tour. J'ai dit, tabarnouche qu'elle est belle. Tu sais, je veux dire, je trouve pas à la regarder en personne, il n'y a pas d'un angle que je la trouve pas belle. En photo, tu peux me montrer 15 photos, puis il n'y a rien qui rend justice en photo. Fait que je trouve ça un peu bizarre que tu sais, mais comme tu dis, tu as d'autres autos comme ça que il n'y a pas une caméra est pas capable de te montrer vraiment les bonnes proportions ou vraiment tous les détails de la carrosserie puis tout ça. C'est vraiment autre chose en personne. Elle est vraiment beaucoup plus belle. Dans le temps, je me rappelle, j'avais eu un Buick Riviera, mais les derniers qu'ils ont fait, le 95 à la 99, c'était un auto qui avait toujours eu l'air très bizarre sur une photo. OK. Puis j'avais toujours trouvé un peu. Non, mais quand j'étais en personne avec un auto, ben, j'en avais trouvé une, c'est une longue histoire, j'en avais trouvé une qui avait quelque chose comme 20 000 km. Mais en personne, c'était une auto qui était super belle. C'est juste parce qu'il fallait faire le tour puis regarder les détails puis comment le design était fait, mais en photo, il n'y avait pas de photo capable de rendre ça. C'est un ensemble. Ouais, c'est ça. Mais bon, on a assez Ouais. parlé pour tout de suite, là. Je vais vous en reparler dans peut-être 2 semaines, là, quand j'aurai fait vraiment mon essai puis tout ça. Puis j'aurai peaufiné un peu mon article, écrit et mettre un peu. J'aime ça mettre mes pensées sur bon. je dirais papier, là, mais dans un document Word pour après ça pouvoir plus les redonner dans un ordre cohérent là, que juste ah, oh, ça c'est cool, ah, oh, ça c'est cool, ah, oh, ça c'est cool. Mais en passant, le grognement du V8 est intéressant. Je vais garder ça comme ça, mais c'est tellement un beau moteur. Ça a tellement de puissance, ça a presque pas de bon sens. Bon. Juste parlant de Mustang aussi, il y a une rumeur qui est sortie par Automotive News qui dit que il y aurait un refresh, donc une légère refonte pour 2018. Il n'y a pas grand-chose de détails, là. Donc on parle bon quand même, c'est d'une couple d'années. Rien de comme juste de sortir. Ouais, c'est ça, mais c'est toujours planifié d'avance, ces affaires-là. Hein. C'est quand même. C'est ridicule. C'est pareil comme s'acheter un cellulaire. Tu t'achètes un cellulaire, puis le mois suivant, ils ont sorti la génération suivante. Oh, mais au moins, c'est le mois. Là, on parle d'années, au moins. Ouais, oui, mais on dit dans tant d'années, il va se passer. Ouais. Mais bon, c'est la rumeur. Il y aurait un petit changement. À calandre avant, là, fait que probablement la grille, des choses comme ça, changer un peu le look, puis la mettre peut-être un petit peu plus agressive et tout ça, mais tu sais, un peu, regardez ce qui a été fait. La même chose qu'ils ont fait avec la génération précédente. C'est ça, regardez ce qui a été fait avec la génération précédente, puis mettez ça à la nouvelle génération. On va mettre la voiture au goût du jour en s'en allant jusqu'à temps qu'on tombe dans la prochaine génération, peut-être dizaines d'années, 10, peut-être avec cette. Ce modèle-là, peut-être une bonne dizaine d'années. C'est ça que la Mustang de génération précédente a duré, de 2004 comme modèle 2005 à 2014. Donc on va s'en aller vers ça, puis on va voir ce qu'ils vont faire avec. Mais ils ont beaucoup de potentiel à juste modifier des petites choses pour la rendre intéressante. Juste le modèle 2016, si vous regardez le modèle GT, il y a des prises d'air dans le capot. Il va y avoir des clignotants dans ces prises d'air-là pour 2016. Ça va être cute. Ça va vraiment être cute. On retourne aux années 60, puis au début des années 70, là, où est-ce qu'il y avait des clignotants sur les ailes. Puis... C'est ça. Il y en avait exactement dans les trappes d'air dans les années 60, je pense, puis ils s'en retournent avec ça. Fait que ça va être... Ça va être cute, ouais, il y avait des tachymètres aussi. Ouais, c'est du rétro renouvelé. Et RPM sur le dehors accroché devant le pare-brise. Ouais. Ça va être super. Je sais pas s'ils vont s'en aller vers ça, par exemple. Avec le monde plus ou moins respectueux aujourd'hui, tu t'en ferais arracher juste à stationner dans un stationnement. Il est très bien moulé. Je me rappelle, c'était un Rambler, ben pas un Rambler, c'était un AMC, un Rebel Machine, dans la... Il y avait comme une trappe d'air, si tu veux, sur le capot. Puis dans la trappe d'air, il était moulé une extension avec le RPM dedans, puis tout, dans la trappe d'air. OK. Oh, ça tout va, ça moulé va. Ensemble avec les clignotants, puis tout. C'était magnifique. Ça pourrait être pas pire. On va voir ce qu'ils vont faire. Puis il y a aussi une rumeur d'une boîte de vitesse à 10 rapports pour la boîte automatique qui remplacerait la 6. C'est rendu avec des transitions de camions. Ouais, c'est pour l'économie d'essence. Hein. Plus que tu vas aller haut en rapport, à un moment donné, moins tu consommes. Mm-hmm. Mais jusqu'à quel camions point? Avec des 10 vitesses. Oui, j'ai eu un bicycle aussi avec 10 vitesses. Oui. Puis il y a de rumeurs aussi pour une version Mach 1. Je t'ai arrêté à quelque part, me chercher un café un matin. Puis il y a quelqu'un qui me parlait. Elle dit, ah, est-ce que c'est à vous la Mustang dans le stationnement? Et moi de répondre, ben pas vraiment à moi, à ta Ford. Puis il dit, ouais, il dit ça, c'est pas grave. Il dit, je veux savoir. Il dit, il y a quoi au-dessus de la GT? Il dit, c'est-tu la Boss 302? Je dis, non, il n'y a plus de Boss 302. Ils l'ont fait seulement pendant 2 ans pour garder quand même une rareté. Il dit, ah, fait qu'il n'y a rien au-dessus. Ben, il va y avoir la GT 350 puis la GT 350R là, qui s'en vient. Ah, il dit, puis il n'y a plus de Boss. Il dit, non, il n'y a plus de Boss 302. On s'en va avec une Shelby. Il voulait une Boss, lui. Il voulait une Boss, lui. Mais là, il y a une rumeur des Mach 1. Mais c'est une vieille rumeur. Là. Il en parlait déjà même avant que la 2015 faire sorte. Le tour des noms encore une ouais. fois. Ouais. Mais Mach 1, je me rappelle, les seuls Mustang des années 2000, 2004, je pense 2003, 2004, que je trouvais à mon goût, c'était les Mach 1. Il y a quelqu'un que je connaissais dans un club, il avait une orange et noire, une Mach 1, là, puis s'il la mettait en vente, je pense que c'est la seule de ces années-là que je trouvais assez belle pour l'acheter. C'était vraiment, elle avait vraiment de la gueule. Là. Fait que quelque chose avec le Mach 1, avec le shaker, là, le prise d'air sur le dessus du capot, là, ça pourrait être quand même assez malin. On va faire sortir une bullet encore. Peut-être une bullet, ça pourrait être intéressant aussi. Ben, c'est ça. Ils vont Ben, tout y t'sais, repasser. tranquillement, d'ici la fin de cette génération-là, on va probablement voir une GT500, une Mac 1, peut-être une Bullitt pour t'sais, faire plaisir aux nostalgiques. Il va sûrement avoir une Cobra Jet aussi pour la course, des choses comme Boss va réapparaître, puis... ça. Ben, peut-être. Fait qu'on verra bien. Mais à date, je suis très impressionné. Puis je vais vous en reparler plus tard. Donc, c'est pas mal ça pour la Mustang. Si on regarde des nouvelles Apple, ça a l'air que la voiture, ça s'en vient. Les rumeurs sont de plus en plus persistantes. Donc, on va probablement avoir une voiture Apple qui se conduira tout seul. Je disais avant qu'on commence à enregistrer que j'espérais vraiment, mais vraiment, qu'ils n'utilisent pas Apple Maps parce qu'il va y avoir des morts sur la route. Je sais Oui, pas ça si va être Apple une Maps. hécatombe. Ouais, je sais Ça pas fait si. partie d'un plan machiavélique de détruire l'humanité. Ouais, c'est ça. Je Ils sais pas font des Apple si. Cars pour tout le monde, après les plugs sur Google, Apple Maps, puis tout le monde meurt. Tout le monde meurt, c'est ça. Je sais pas. J'utilise toujours Google Maps, puis je sais pas si Apple Maps est devenu meilleur depuis le temps. J'imagine que oui, là. Apple sont pas du genre à. Ah, ça marche pas, tant pis. Mais oui, t'sais, oui, ils utilisent Pas Apple parce Maps. que ça marche mal, c'est toi qui n'as pas compris. C'est ça, c'est toi qui sais pas comment ça marche. Tu tiens mal ton téléphone. Mais je sais pas si c'est mieux. Mais bon, supposément une voiture qui se conduit toute seule va, bon, avec le GPS et tout ça, ça serait une voiture électrique. Donc, les rumeurs sont de plus en plus persistantes. C'est The Guardian qui sort ça comme histoire. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça a l'air à s'en venir. Fait que je sais pas, Apple aurait l'intention d'acheter une ancienne base militaire ou base navale pour aller faire des tests de la voiture électrique. Là, ça serait vraiment plus proche qu'on pense. Donc, je sais pas. Ça serait une base qui était pour la Deuxième Guerre mondiale. Il y aurait à peu près 20 000, donc en kilomètres, je sais pas exactement, peut-être 30 km, 35 km de route pavée, puis de route vraiment comme si c'était une ville ou un village, là, parce que les bases américaines, souvent dans le temps, c'était le monde restait là, c'était des maisons, puis tout ça. Si vous avez vu certains films de la guerre, vous voyez que c'était des familles qui restaient sur les bases militaires avec des maisons et tout ça. Donc c'est une bonne place pour tester. Puis il y aurait déjà Mercedes puis Honda qui auraient fait des tests dans cette place-là. Fait que je sais pas trop, là. J'ai hâte de voir ce que ça va te donner. Que Apple fasse une voiture électrique, j'ai rien contre ça. J'ai juste peur de voir le prix, parce que si on compare le prix qu'ils vendent leur téléphone Dans le comparé monde. à d'autres, au prix de leur voiture comparé à d'autres, ça va être peut-être le double, je sais pas. Fait que j'ai peut-être un peu peur de ça. Que la voiture se conduise tout seule, ça m'énerve un peu plus. J'aimerais ça pouvoir peut-être acheter une voiture à Apple sans avoir à qu'elle se conduise tout seule. J'espère pouvoir avoir l'option de la conduire moi-même. Vous autres, une voiture qui se conduit tout seul tout le temps. Une voiture Bon, Apple tout pas tout de court suite. m'intéresse pas vraiment au départ, fait que, comme la OK. plupart des produits Apple. OK. Ouais, t'es pas dans cette niche-là. Moi, j'aime mon Non, je suis iPad. pas très play school. Un iChar, je suis pas sûr. iPhone. Un i-whatever. Ouais, je suis pas certain. C'est drôle parce qu'il y a plein d'images quand tu cherches sur Google, ça fait le même. Puis il y a du monde qui ont juste sacré un logo d'Apple sur une Tesla S. C'est comme. J'aurais pu travailler un petit peu plus fort, mettons. Mais il y a aussi des modèles assez pétés là, de ce que l'Apple Car pourrait avoir l'air. Ça a presque l'air d'une souris avec des vitres dessus. A l'air d'un iMac avec des roues. Ouais, c'est ça. Je sais pas. C'est comme on parlait d'un Mac Mini, que ça va être une boîte carrée, 4 roues. Puis une vitre en avant. T'sais. Ça a l'air d'une boîte de Kleenex avec la prise en le trou en avant à la place. Je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais bon, on verra, mais que ça sorte. C'est encore au niveau de rumeurs, la journée que Apple sortira publiquement pour dire que oui, ça existe. Mais tu sais, The Guardian a demandé la question à Apple. Faites-vous un char électrique qui se conduit tout seul? Puis Apple a dit pas de commentaire. Fait que normalement, pas de commentaire, ça veut dire oui. Enfin. Si vraiment ils Si on travaillent pas continue d'en là-dessus. parler, c'est bon pour nos actions. Ah, c'est ça. Si, tu sais, normalement, la journée que. que vraiment tu construis pas de char, tu vas dire au monde non, non, on travaille pas là-dessus, c'est pas notre domaine, mais juste dire pas de commentaires, souvent c'est comme d'admettre que tu travailles là-dessus. C'est ça. Mais bon, on verra bien si ça a à se concrétiser, ça va sûrement être d'ici les prochains 3-4 ans. J'imagine 2-3-4 ans, la grosse révolution des voitures électriques va être 2017-2018. Fait qu'ils n'auront pas tellement le choix de sortir ça d'ici ce temps-là. Autre nouvelle, avez-vous déjà été sur le Nürburgring, messieurs? Sur l'Xbox, Ah, c'est ça, moi aussi. Je ouais, l'aime c'est pas ça. vraiment sur l'Xbox, la piste. Je trippe pas. Je trouve qu'elle est assez. Ben, c'est une piste qui est difficile. Très longue. Ça dépend Ouais. de laquelle, là. Ça dépend laquelle. Il y a plusieurs Ben, circuits. plusieurs Ça. configurations Mais de circuit. la plus longue est assez intense. Il y a des changements qui vont avoir lieu sur la piste pour 2016. Puis, un coup que les changements vont être faits, ils ont l'intention d'enlever les limites de vitesse. Donc, parce que présentement, le Nürburgring a à certains endroits des limites de vitesse, s'ils sont supposés les enlever. Il y avait mis les limites de vitesse. Puis il y avait un peu enlevé le droit aux constructeurs de publier leur vitesse de tour parce que ça a toujours été. Tu sais, maintenant c'est la grosse Ouais, mode. c'était une référence, là, c'était la nouvelle bulle, là. C'est la Tout le monde se place. comparait là. Ouais. Puis toutes les autos sont testées sur le Nürburgring, là, même tu vas sortir une petite voiture compacte, puis ils vont la tester sur le Mais Nürburgring pour voir. même T'sais. ça fait longtemps, là, je me Oh, rappelle oui. à la fin des années 90, là, Cadillac se vantait à tour de bras que Oui, la je m'en nouvelle souviens. petite Cadillac, là, écoute, tout le monde avait fait ça au Nürburgring, là. Il y avait Saturne l'année d'après sortant un char, on l'a testé au Nürburgring, écoute, puis on était au début des années 2000, là, tout C'est le monde ça. avait testé son char au Nürburgring. Puis c'est encore là, puis ça devient presque une plaie à un moment donné. C'est pas toutes les voitures qui sont faites pour aller sur le Nürburgring. T'sais, écoute, moi, sincèrement, là, je reste dans le fond de la campagne, là, dans le nord. Est-ce que je suis vraiment un véhicule développé pour le Nürburgring est l'idéal pour ce que je fais avec? C'est une autre question, là. Ouais, surtout que probablement que la majorité du monde qui se magasine, t'sais, certains types de chars savent même pas c'est quoi le Nürburgring. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une piste de course en Allemagne qui est bon, vraiment l'endroit par excellence pour tester une voiture à cause des courbes, puis des pointes de vitesse, Qui puis est du très long, freinage et tout ça, puis c'est plusieurs, long, puis plusieurs. c'est difficile pour un moteur, difficile pour une transmission, difficile pour des freins, difficile pour tout, difficile pour le pilote. Donc, Oui. si la voiture est capable de compléter ça sans briser ou t'sais, avec une performance adéquate, ben OK. ils disent qu'elle est digne pour commercialisation finalement. Les Ouais, tests sont c'est bons. Mais c'est ça, il y a moi, des. à moins 35, pogné dans le trafic à Montréal, on s'en sacque-tu du Nürburgring? Ça sac pas mal. Ça sac pas mal. C'est Ah, je suppose. Mais c'est ça. Donc, c'est supposé Ouais. être. Ils vont fermer la piste de novembre à mars. Novembre 2015, mars 2016. Ils vont faire des changements pendant ce temps-là. C'est sacrilège, ils vont donner leur temps de où? Ouais, mais c'est ça. Ouais, ben, probablement qu'il n'y en aura pas parce Il y que aura c'est. plus d'autosport, ils vont tous se promener en se rentrant dedans quand ils vident, plus d'émotion, ils ne sauront plus quoi faire quand ils vont lancer le nouveau véhicule. Ça va être épouvantable, il va falloir qu'ils rouvrent ça vite. Ben, il appelle ça le fermeture hivernale. Donc, c'est probablement normal à chaque année. Fait que pendant. Développeront pas aucun véhicule pendant ce temps-là, c'est épouvantable. Non, mais j'imagine pendant ce temps-là, les compagnies amènent leurs autos Des petits tests pour l'hiver, puis dans le désert. désert aux États-Unis, dans Même Death là. Valley pour tester les chars à chaleur. À climatiser. C'est une autre place ça, où ce que les voitures sont laissées pour voir si. Les composantes électroniques fondront pas, si les tableaux de bord changeront pas de couleur immédiatement, si ils se mettront pas à cuire sur place. C'est pas mal la place pour les tests de chaleur. Puis après ça, ben, t'as comme l'Alaska, puis des places de mer pour les tests de froid, puis des fois la Suède ou des places plus élevées en Europe pour le froid aussi. Là. Fait qu'il y a il y a plein de places comme ça dans le monde pour tester. Mais si vous passez en Allemagne, vérifiez si vous voulez aller faire le Nürburgring, il y a des journées Ouais, il y a des portes péages à ouvertes. l'entrée, je pense. Hein? Il y a des péages à l'entrée Ouais, je pour pense aller que faire des c'est tours. supposément 25$ pour faire un tour. Un tour, ça dure dans une voiture très très performante, 7 minutes. Fait que dans votre Ouais, Honda très, très, très, Civic. très performance, 7 Ouais, minutes. ça fait que dans votre Honda Civic, peut-être 3 quarts d'heure. Je sais pas, non, je dis ça de même. Surtout que tu dois tellement pas rouler ça au fond la première fois que tu y vas, là. Moi, je serais pépère. Je serais assez pépère, mettons, là. Oui, là, on parle 7 minutes, là, on parle des grosses machines, là. C'est Avec pas. des pilotes professionnels, là. Oh, Genre oui, c'est ça. une Viper ACR, là, avec un pilote professionnel, tu sais. Ouais, On parle de c'est ça. ça. Ou une Comme notre Koenigsegg. ZR1 avec un. Ouais, c'est ça. T'sais. Une Koenigsegg 1-1 ou quelque chose de même, là, tu sais, c'est ça. C'est Mais. ça, c'est pas avec une Civic, là. Non, non, non, mais ça a l'air que si vous passez là-bas, ça vaut la peine. Puis si c'est une journée, ce qu'on appelle un track day, c'est une journée ouverte à tout le monde. Vous pouvez y aller avec votre voiture. Si c'est légal pour rouler en Europe, c'est légal sur le Nürburgring. Fait que vous payez votre, je pense, c'est 25 ou 35 euros. Puis à Votre pas. pouille allant deux chevaux. Ouais, c'est ça. Ça serait bizarre un peu. Hein? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'elle se rendrait jusqu'au bout. Ça prendrait peut-être, il faudrait peut-être coller Ça va prendre 3 quarts d'heure à faire le tour. peut-être, puis peut-être un towing pour finir. Donc, c'est ça, on va finir. Jean-François, tu voulais nous parler de Danica Patrick Oui. qui va rester en NASCAR? Oui, ben oui, elle reste en NASCAR. Elle a signé une entente de plusieurs années avec son écurie, où ce qu'elle est présentement, c'est ce qui est Stewart Haas. Tony Stewart. Puis en même temps, ben, elle a terminé son contrat avec GoDaddy. OK, Alors, ça ne là. sera plus le GoDaddy Girl. Bon. Ouais, malheureusement. Fait qu'en même temps, la conférence était plus pour dévoiler son nouveau commanditaire et non pas parler de son nouveau contrat. Ça, c'était plus. C'est encore vague parce qu'ils disent pas le nombre d'années. C'est pas encore tout dévoilé au complet. Mais c'était plus pour parler de son nouveau commanditaire. Depuis quelque temps, on la voit beaucoup sur les médias sociaux en train de prendre des vidéos d'elle, en train de faire des poses de yoga. Disons que c'est une fille assez centrée sur la santé, puis bien manger, puis tout ça. Fait qu'ils ont trouvé un commanditaire qui s'appelle... McDonald's. Non, pas tout. Nature's Bakery. OK. Et ça n'a aucun rapport avec McDo. C'est vraiment une compagnie qui fait des produits sans gluten. C'est plus la santé, du granola, des barres granola, des choses comme ça. Puis, ils ont vraiment décidé de commanditer cette voiture-là, de commanditer Danica, pour 3 ans. Ça va commencer l'année prochaine à Daytona. Fait qu'elle reste avec GoDaddy jusqu'à la fin de l'année, puis après ça, ben, c'est terminé. OK. Elle finit son contrat cette année, puis après ça, elle passe à d'autres choses l'année prochaine. Ben, elle reste avec la même écurie, c'est juste les commentaires qui changent. OK. D'autres C'est la voiture qui va changer. collants Elle sur sera son plus char. verte, elle va être bleu pâle. OK. Ben, c'est bon. Bleu pâle, c'est la couleur de la santé, ça a l'air. Ben, c'est ça. Puis ça. Elle dit que ça va bien avec son teint. C'est ça qu'elle a dit à la conférence de presse ben, aujourd'hui. Mais ce qui était le fun dans la conférence de presse, c'est que les journalistes auraient pu poser des questions à Tony Stewart par rapport à l'accident qu'il y a eu l'année passée, où est-ce qu'il y a une personne qui avait été décédée, parce que il y a encore des, c'est pas encore fini cette histoire-là, il y a encore des petits problèmes à régler, ou sa blessure qu'il y a eu l'an passé, puis que ça fait 4 opérations qu'il a à sa jambe, puis c'est pas encore guéri. OK. Il n'a pas Fait recoursé depuis ce temps-là, j'imagine. oh, il course encore. OK. Oh, mais il est pas comme avant, là. Il y a quelque chose qui se passe, là. Il est pas, c'est pas le, son nom c'est Snake, mais c'est pas celui qu'on connaissait avant, là. OK. Le trouble fight, là, c'est pas, il est plus comme ça, là. Il est Non, plus agressif qu'il était. non, c'est ça. Il y a quand même une bonne voiture, c'est pas, il y a pas des voitures assez, c'est des bonnes voitures qu'il y a, là. Fait OK. que, parce que, ce qui est bon aussi, c'est que, dans son écurie, il y a le champion de la série, Kevin Harvick, Ça aide toujours un qui est peu. dans son écurie. Fait qu'on OK. peut pas dire que ses voitures sont mauvaises, elles sont super bonnes. OK, c'est juste le pilote qui est un petit peu moins. Ça Ben, je pense suit que la coche. c'est ça. Mais bon, c'est un problème avec une jambe. C'est assez important des jambes pour conduire. Oui, Ça aide surtout quand toujours tu un peu. fais Ouais. des. Fait que, durant la conférence, ce qui était plus évident que je trouvais ça fun à voir, c'est que les journalistes posaient pas des questions par rapport à ça, mais posaient vraiment des questions par rapport aux commanditaires. Parce que les propriétaires étaient là aussi, à la conférence de presse. Fait que les journalistes posaient des questions sur savoir c'est quoi l'entreprise, es-tu présent aux États-Unis, où est-ce qu'elle est, combien d'employés. Parce que d'habitude, ceux qui commandaient des voitures de la série Sprint. D'habitude, c'est des compagnies qui sont dans la Fortune 500. OK. Mais ça ne l'avait pas. Fait que là, ils se posaient des questions pour savoir comment, qu'est-ce qu'une entreprise comme celle-là fait en Sprint. Comment ils peuvent se payer ça? C'est ça. Okay. Puis, ben, ce qu'ils ont répondu, c'est qu'ils sont présents dans tous les États américains, dans 22 pays. Ils ont 400 employés. Ils ont deux usines, une dans Saint-Louis puis une au Nevada. C'est quand même une grosse compagnie. Puis, en même temps, ce qui unit le commanditaire et l'écurie Stuart Haas, c'est Haas, l'autre morceau de l'écurie, ils font des équipements. N'importe quoi, là. C'est des ingénieurs, ils font de la soudure et tout ça. Fait l'entreprise Haas, Automation, travaille avec Nature's Bakery pour faire leur équipement de pâtisserie et tout ça. Ah, OK. Il y a un lien entre ces deux-là. Parce que disons que c'est assez difficile de commencer une voiture, ben, que les écuries cherchent des commanditaires. C'est vraiment difficile présentement. Ouais, j'imagine. Fait que tu ramasses peut-être un peu ce qui va passer, puis si tu trouves quelqu'un de... OK, ouais. Fait que j'étais super content. Surtout que Danica aussi, elle s'améliore tranquillement, malgré que c'est encore la vraiment la mal-aimée du NASCAR. Les gens l'aiment vraiment pas, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas. C'est peut-être les Rednecks qui parlent aussi, là, je veux dire. Ouais, peut-être. Ouais, ça fait pas partie NASCAR, du tout de la clientèle cible du NASCAR, voyons. Ah, c'est ça. Non, c'est ça. C'est ça qu'ils l'ont amené. Il y en a aucun dans le crowd, là. Non, il y en a pas. C'est trop intello pour eux autres, le NASCAR. Ouais. Parce que Danica était quand même assez bonne en IndyCar. C'est assez bien démarqué et tout. Puis même en NASCAR, elle est quand même pas si pire. C'est sûr qu'après une meilleure, mais tranquillement c'est meilleur. Parce que c'est pas la même chose, là. Je conduis une monoplace, full aérodynamique. Beaucoup, beaucoup de pilotes de monoplace qui se sont cassés à gueule rendus en NASCAR. Là. C'est ça. Et on peut parler Juan Pablo Montoya, il est retourné en IndyCar. Il y a Christian Fittipaldi, on le voit plus. Il y a Tagliani, qui a perdu la course à Mid-Ohio au dernier virage. Ouais. Ça, c'est là dans la course qui s'est passée la semaine dernière. Il y en a beaucoup, beaucoup qui se sont essayés en NASCAR, puis ça n'a pas fonctionné. C'est vraiment pas la même chose. Vraiment pas, là. Ouais, c'est un peu différent. C'est très différent, là. C'est vraiment pas la même chose. Fait c'est sûr que ceux qui bâchaient sur Danica Patrick sont pas très contents. Ils sont pas à veille de finir. Comment? Ils sont pas à veille de finir. Non, mais non, ils sont pas à veille de finir. Et boy, ça commence. Ouais, viens lui ouvrir une autre porte pour chialer. C'est ça. Fait c'est quand même une pas pire nouvelle pour NASCAR parce que ça les enlève un peu de tout l'aspect redneck, tout ça, là, on dirait que NASCAR tente de se départir. Ça va faire une image un peu. Ouais. Ben, c'est une nouvelle tête d'affiche, puis je vous aurais. C'est les jeunes, c'est les jeunes qui arrivent. Ben, c'est ça. À un moment donné, tu peux pas miser sa bière et ses hot dogs tout le temps. Non. Non. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est quand même une belle fille. Fait que ça va attirer ça va attirer une certaine clientèle masculine. C'est pas intéressant du NASCAR, mais à cause de la façon que ça a été commercialisé pendant des années, là, écoute, à un moment donné, on dirait que ça vise une clientèle. Je me sens pas vraiment très visé. Moi, j'écoutais des documentaires sur c'est le fun. En écouter, c'est le fun, mais la manière que c'est commercialisé, on dirait que ça s'adresse à quelqu'un que... Qui est pas toi. Je sais pas trop qui, c'est ça. Je sais pas trop à qui, là, mais... Ouais. Moi non plus, ça m'attire pas trop. J'ai regardé une course à un moment donné, j'avais trouvé ça intéressant, mais tu sais, mettre mon enregistreur pour regarder ça plus tard ou m'asseoir pendant, tu sais, 2 heures pour regarder une course, non. Ah, mais je le fais. Ouais, non. On a tous nos goûts. S'il fallait qu'on ait tous les mêmes goûts, ça serait plate. On aimerait toutes les mêmes affaires. C'est sûr, c'est plate. Mais tu sais, c'est ça. Mais je dis pas que je regarderai jamais une course, là, mais tu sais, je tombe rarement dessus, premièrement. Fait que, tu sais, tomber dessus, peut-être, je laisserai à télé à ce poste-là, puis je regarderai, mais. En fin de semaine, écoute-le. OK. Parce que c'est le, à Bristol, qui est une petite piste de course, je pense que c'est même pas un demi-mille. OK. Et ça va être assez spectaculaire. Ça va avoir passé souvent. Bon, fait que, tu envoie-moi à quel poste, puis à quelle heure. Parfait. Envoyez ça. On va regarder ça. Envoyez-moi ça par Facebook. On va regarder ça. Parfait. All right. Puis Danica, es-tu dans la course? Oh, okay. Elle est dans la course. On va crier pour elle, juste pour le fun. All right. Fait qu'on va terminer le show là-dessus, messieurs. Si les gens veulent vous rejoindre, comment font-ils? Martin, excuse. Oui, Ou je nomme un nom, ok. ça marche mieux. Non, sur la plupart des réseaux sociaux par mon nom, Martin Sagala. Parfait. Toi, Jean-François? Sur Twitter, SJF-LIU. Moi, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, c'est AskAlazormo. Il y a le compte du podcast auto qui est à podcast auto. On a une page Facebook aussi. Vous pouvez y aller de temps en temps. Je vais poster des photos de mes essais, de temps en temps quelques petits commentaires, choses comme ça. Donc, allez aimer notre petite page Facebook. Si vous voulez nous écrire aussi, vous pouvez nous écrire là-dessus. On peut vous répondre. On est tous habilités à poster là-dessus. Donc, on peut tous vous répondre si vous voulez. Vous pouvez aussi nous écrire à lepodcastauto@gmail.com. Puis, vous pouvez me lire sur le blog de Kijiji à frkijijiblog.ca dans la section véhicules. Un article aux 2 semaines sur l'automobile cette semaine, la semaine prochaine, ouais, ça va être des semaines prochaines. Non, cette semaine, ça va être des trucs sur des petits gugus à avoir là, pour l'été quand il fait chaud dans une auto, des choses comme ça. Des options plus des petits bidules que vous pouvez vous acheter pour vous rafraîchir d'un petit article d'été. Donc, vous pouvez aller lire ça si ça vous intéresse. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine. Puis je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Bye bye. Salut.